Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 14 septembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 15 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier, donc pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. C'est nos retrouvailles après le grand silence du mois d'août. Et on commence ce soir en inversant un peu l'horaire. Je commence par le Club de la Presse, et le Club de la Presse ce soir, il est très très select, puisque pour des raisons x, y, de malheureuses raisons de contretemps, il n'y a aujourd'hui que Jérôme Bourbon, directeur de Rival. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Mais la qualité remplace la quantité, et on va faire une espèce de revue de promenade à travers l'actualité, sans chercher, de midi à 14h. Et je vais peut-être commencer par l'étranger, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui nous viennent d'abord des États-Unis d'Amérique, qui sont, qu'on le veuille ou non, la puissance dominante. Donc il est intéressant d'aller voir comment se passe la présidentielle. La présidentielle, il y a plusieurs informations très, très, très importantes. C'est-à-dire que Trump est passé devant Clinton en termes d'intention de vote, pas en termes de résultat, mais d'intention de vote. Et puis, Hillary Clinton, quand même, a eu un malaise extrêmement spectaculaire le jour de la célébration du 11 septembre. Certains caciques du Parti démocrate envisageraient même son remplacement, ce qui pose des tas de problèmes. Alors, allez, en désordre, qu'est-ce que vous inspire cette présidentielle américaine, qui est tout de même un peu atypique cette fois-ci? Je pense d'abord que, on le voit une nouvelle fois, en politique, rien n'est jamais définitif, on est dans le domaine de l'inconnu. Par exemple, en France, on a 8 mois d'élection présidentielle, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ces 8 mois, selon qu'il y ait ou non des attentats, on ne sait même pas les candidats qu'il y aura, les programmes exactement qu'ils défendront. Et aux États-Unis d'Amérique, il est évident que c'est un incident de la campagne qui peut avoir des conséquences non négligeables. Je dois quand même dire que pendant des mois, on nous a dit que Donald Trump était un candidat qui n'était pas sérieux, qui n'était pas capable d'aller au bout. Il a gagné haut la main d'abord les primaires au sein des Républicains, obtenant la majorité absolue des délégués. Et par ailleurs, maintenant, les intentions de vote, qu'il faut certes toujours manier avec précaution, indique à la fois une baisse de son adversaire et une montée des intentions de vote en sa faveur. Alors il est vrai que le système américain est un système un peu complexe et on peut avoir plus de voix, plus de suffrages, plus de bulletins que son adversaire, et néanmoins ne pas gagner parce que il y a 50 États qui eux-mêmes donnent des délégués. C'est ce que prévoit, dans ce cas-là, le dernier sondage, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est ce qu'il prévoit. C'est-à-dire une victoire d'Hillary Clinton battue aux voix. Voilà. Bon, alors on verra, il y a encore 2 mois de campagne, puisque les élections ont lieu le 8 novembre, un petit peu moins de 2 mois. Alors, évidemment, les incidents médicaux ont de l'importance. Ils ont tellement d'importance qu'en général, lorsqu'un candidat ou un président est malade, on cherche à le cacher. On se rappelle que Georges Pompidou avait cherché à cacher jusqu'au dernier moment, au fond finalement jusqu'à sa mort, le 2 avril 1974, sa maladie. Et on sait plus encore que François Mitterrand avait fait faire à son médecin personnel chaque semestre des communiqués mensongers, c'est des mensonges actifs sur son état de santé de fin 1981 jusqu'à fin 1992, où finalement, pour l'emporter dans un référendum sur Maastricht extrêmement serré, il a émis d'abord sa prostate, puis son cancer de la prostate dans un deuxième temps sur la balance, espérant ainsi, ce qui malheureusement a fonctionné, émouvoir les prostatiques, les cancéreux et leurs familles. Donc c'est une incidence importante alors, pour la santé. D'abord parce que nous sommes dans une société qui repose repose sur l'émotion. On connaît la phrase fameuse de Bernanos, l'homme moderne a le cœur dur mais la tripe sensible. Et on ne sait pas finalement, lorsqu'un candidat est souffreteux, malade, quel effet cela peut avoir sur le corps électoral. On sait par exemple que dans le sport, très souvent, lorsqu'un adversaire est blessé, mais qu'il peut quand même continuer à jouer, il n'est pas rare que finalement son adversaire, au lieu d'en profiter, en pâtisse. On le voit souvent, par exemple, dans des matchs de tennis, parce que finalement, ça perturbe l'adversaire. Bon, eh bien, donc on ne sait pas finalement ce qui peut se produire. Ouais, Trump, c'est pas le genre. Il a plutôt le genre de le genre d'adversaire qui tue. Oui, bien qu'il soit légèrement plus âgé, comme quoi finalement, cela ne veut rien dire. Mais a priori, on peut quand même penser que c'est plutôt un avantage pour Trump, puisque c'est quand même toujours gênant de confier la présidence du pays qui est censé être le plus puissant de la planète à quelqu'un qui souffre de maladies. Alors on a parlé de pneumonie, mais d'autres ont parlé de problèmes de santé plus graves, chroniques, même éventuellement de nature cérébrale. Bon, moi je n'en sais rien. Ça, on a parlé, alors ce qui est avéré, ce sont des syncopes à répétition, une fois au Yémen, une fois je ne sais plus où. C'est inquiétant. Et qui serait peut-être, alors certains pensent, étant lié à des petits accidents cardiovasculaires. Oui, parce que son médecin personnel avait évoqué le fait qu'il faisait une chaleur inouïe le jour où il a fait ce malaise impressionnant, ce qui est faux, hein. Ils étaient une température tout à fait normale. 70 Fahrenheit, ce qui équivaut à 21,111, voilà. Je vérifie. Exactement, ce qui est une température tout à fait normale. Hein. Bon. Et donc, là encore, c'est un mensonge actif de son médecin personnel, mais ça, je vous dis, on a l'habitude. En France, on l'a souvent connu aussi avec François Mitterrand. Mais c'est un élément qui n'est pas négligeable et qui, encore une fois, disons un mot là-dessus quand même, toute la presse de gauche, Libération, Le Monde disait que c'était scandaleux de la part des soutiens de Trump de mettre en cause avant cet incident donc les problèmes de santé d'Hillary Clinton. On disait que c'était des calomnies. Je crois que même l'inénarrable Bernard-Henri Lévy s'était défendu d'un tweet pour dire que Hillary Clinton allait très bien, que c'était scandaleux d'insinuer des choses sur sa santé. Bon, maintenant. Sûreté de jugement, voilà, de BHL. Chez BHL, en général, quand on prend le contraire de ce qu'il dit, on tombe pas trop mal en général, hein, dans tous les domaines, hein, je veux dire. Hein. Il suffit de prendre l'inverse. C'est en général, on tombe pas mal. Et alors, en dehors de cette question de santé, vous avez des informations ou plutôt un sentiment sur l'évolution de la campagne présidentielle à venir aux États-Unis? Ouais, c'est toujours très difficile de faire de la prospective, d'autant qu'il suffit qu'il y ait un incident majeur. On sait par exemple que l'établissement américain journalistique, médiatique, financier, bancaire, industriel, est quand même très massivement contre Trump, ce qui est quand même un handicap considérable. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il jouit, depuis le début de l'année, d'une dynamique de campagne qui, dans l'ensemble, ne s'est pas essoufflée. Et c'est un excellent orateur, un excellent débatteur. Et puis c'est un homme, si vous voulez, qui s'est fait tout seul. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, je ne suis pas spécialement son avocat. Mais je considère quand même que quelqu'un qui a fait fortune tout seul, ce qui n'est pas toujours très bien vu en France, mais ça, je dirais que c'est un aspect peut-être plus positif chez les Américains, c'est que quelqu'un qui réussit en France, malheureusement, depuis la Révolution française, il y a ce péché d'envie qui est assez général. On a plutôt tendance à lui chercher des poux dans la tête et à l'envier, à vouloir le détruire. Ça n'est pas la mentalité. Ils ont d'autres défauts, les Américains, mais ils n'ont pas celle-là. Ouais. Lorsqu'une réussite est due à l'effort, au travail, au talent, au mérite, à l'habileté, au dévouement d'une personne, on a plutôt tendance à trouver ça positif. Bon. Et donc, Trump s'est fait tout seul, alors que s'agissant d'Hillary Clinton, elle est vraiment le produit de la politique aérie la plus médiocre, la plus minable qui soit. Bon. Outre qu'en plus elle soit tout à fait antipathique, mais elle est par excellence la candidate du système. Et d'ailleurs, il n'est que de voir tous les grands journaux, les grands lobbies, le lobby israélien et autres qui la soutiennent à fond. Alors que Trump, effectivement, a un avantage, c'est qu'il n'hésite pas de temps en temps à rompre en visière avec le système. Là, il vient de faire une critique tout à fait, d'abord juste et ensuite brutale, de la Fed, la Banque fédérale américaine, et de cet taux d'intérêt anormalement bas. Et donc là, il n'hésite pas à lui qui est peut-être justement parce qu'il est financièrement indépendant, à rompre en visière avec le gros argent qui... Ce n'est pas un professionnel de la politique, ce qui est un avantage, et il a une indépendance financière qui, effectivement, est un atout considérable à l'heure actuelle, c'est évident. Alors justement, on peut continuer dire toujours dans les affaires étrangères. Trump a donné fait quelques déclarations. Il est plutôt favorable à Vladimir Poutine, en qui il voit un chef d'État beaucoup plus accompli que Barack Obama. Et que faut-il penser, selon vous, de l'accord Russie-États-Unis sur la trêve syrienne? Alors, malheureusement, je comptais poser la question à Charlotte aujourd'hui, mais son retour de Syrie est trop frais, elle n'a pas pu être là à temps. D'abord, pour répondre sur Trump, il semble que s'il était élu à la Maison-Blanche, au mois de novembre prochain, son mandat ne commençant que le 20 janvier 2017, eh bien, on peut espérer qu'il y aurait quand même une relative pacification des relations internationales, puisque sans être aussi loin que l'était Ron Paul, par exemple, dans des positions isolationnistes qui ont été longtemps très, très fortes et très influentes aux États-Unis. Ce n'est plus le cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense qu'un retour à un relatif isolationnisme et en tous les cas une volonté d'équilibre des relations internationales serait effectivement sage. Et ce n'est pas du tout, pour le coup, la politique de Clinton, hein, qui est une belliciste, une belliqueuse acharnée. Et une interventionniste systématique. Voilà, tout à fait. Et donc, on peut craindre une extension des guerres, notamment au proche Moyen-Orient, si, par malheur, elle emportait la timbale, si j'ose dire. Bon. Mais donc, avec Trump, effectivement, il a manifesté vis-à-vis de la Russie une attitude beaucoup plus sage, mesurée, voire favorable, ce qui est une bonne chose. S'agissant maintenant de l'accord sur une trêve, de toute façon, une trêve, c'est un truisme que de le dire, c'est toujours favorable qu'un état de guerre. Cela étant dit, je crois que rien n'est résolu en Syrie et je ne suis pas sûr que l'administration américaine soit favorable à une position qui serait sage, qui serait en quelque manière de laisser le président légal et légitime de la Syrie exercer ses responsabilités. D'ailleurs, je dois dire que c'est quand même assez remarquable que depuis que cette guerre a commencé, je crois en 2011, si ma mémoire ne me fait pas défaut, eh bien, il a quand même considérablement résisté, Bachar el-Assad. Je suis quand même assez impressionné parce qu'il a dû faire face quand même à une coalition internationale, à une offensive médiatique partout en Occident, avec à une aide militaire à ses adversaires, ses ennemis, tout à fait considérable, quasiment constante. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement auraient tenu dans une situation pareille aussi longtemps, ce qui prouve qu'il a quand même un certain soutien quand même d'une partie au moins de la population du pays qu'il dirige. Et des forces armées. Je veux dire que même par exemple, Saddam Hussein en Irak avait quand même tenu de manière assez remarquable pendant des années, ce qui prouve quand même que ces pouvoirs forts ont quand même un soutien à la fois effectivement des forces armées d'une part, mais aussi certainement une partie de la population d'autre part. Dans le cas de Bachar el-Assad, il faut se souvenir que l'Occident a soutenu ce qu'il appelait à l'époque des rebelles modérés, ce qui est toujours amusant, rebelles modérés, mais et dans ces rebelles modérés, il incluait évidemment toutes sortes de forces, dont notamment Al-Nosra. C'est bien en 2012, notre ministre des Affaires étrangères, qui était Laurent Fabius à l'époque, c'est un homme de grande qualité. Qui est maintenant président du Conseil constitutionnel. Qui est président maintenant du Conseil constitutionnel, avait dit, si ma mémoire est bonne, qu'il avait salué le bon boulot d'Al-Nosra. C'est exact, oui. Qui est tout de même donc une branche d'Al-Qaïda, ce qui est intéressant pour. Mais c'est aussi lui qui avait saluer en Ukraine le travail de Pravi Sektor aussi. De toute façon, Laurent Fabius a marqué une rupture dans la politique traditionnelle du Quai d'Orsay en prenant des. C'est pas le seul d'ailleurs de l'avoir fait, mais il l'a fait de manière particulièrement éclatante, politique qui était relativement équilibrée entre le monde arabe et le monde qu'on pourrait appeler l'axe américano-sioniste. Et là, pour le coup, il s'est aligné complètement sur des positions qu'on dit occidentalistes, qui sont en réalité américano-sionistes. Bon, dans tous ces dossiers, ce qui était au détriment, me semble-t-il, non seulement des intérêts de la France, mais même de l'image de la France dans le monde, en agissant de cette manière. Et d'ailleurs, en quelque manière, il en est récompensé puisqu'il finit sa carrière à la présidence du Conseil constitutionnel, ce qui en général est une preuve de servilité, voire de servilisme, puisque en général il faut avoir beaucoup donné de sa personne dans le sens du système pour accéder à ce fromage. Vous pensez au dernier, au petit Debré ? Oui, je pensais effectivement à Debré. Jean-Louis Debré, oui, tout à fait, personnage tout à fait médiocre, insignifiant, mais qui a révélé d'ailleurs lors de ses devants de présidence de conseil constitutionnel qu'il ne valait pas mieux que Badinter, hein, puisque il faut rappeler que tout récemment c'est lui qui a donné à la loi Guesso, comment dirais-je, qu'il a gravé dans l'airain constitutionnel et qui en a donné même une définition très extensive, puisque ce qu'avait déjà fait la Cour de cassation, ce qu'a aggravé donc le Conseil constitutionnel, ce qui fait que maintenant c'est pas simplement la négation explicite des crimes contre l'humanité reconnus à Nuremberg qui est criminalisé, enfin qui est considéré comme un délit, pardon, mais même un simple doute, une simple interrogation, un conditionnel, un point d'interrogation. Donc là, c'est déjà pécamineux. C'est déjà pécamineux. Ce qui prouve que l'imbécile est aussi dangereux que le méchant, puisque pour comparer les deux, nos deux derniers, l'un n'est pas forcément compatible avec l'autre. Oui. D'ailleurs, ça peut être additif. Il n'est pas très méchant, Jean-Louis Debré. Je ne sais pas. Ouais. Alors, pour en revenir à l'accord Russie-États-Unis en Syrie, en dehors de la trêve, il a été stipulé ceci, c'est que si la trêve dure au moins une semaine, bon, on ne sait jamais, ce jour-là c'est très difficile à évaluer, est-ce qu'elle dure, est-ce qu'elle ne dure pas, en ce moment il y a des combats mais ils sont limités, et si elle dure donc une semaine, les États-Unis ont promis de... Ça, c'est pour moi, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, d'une coopération militaire avec la Russie, notamment dans le domaine du renseignement, une espèce de centre de renseignement et de tri commun, de façon à déterminer qui sont les rebelles modérés, entre guillemets, qu'on n'attaque pas, et les islamistes qu'on attaque, donc à déterminer ensemble, Russie et États-Unis, l'ennemi contre lequel on va se battre. Est-ce que vous pensez que ça va se faire ? Est-ce que c'est l'amorce d'une plus grande collaboration entre les États-Unis et la Russie, ou est-ce que c'est juste histoire de parler ? Je reste très circonspect devant ces promesses, d'autant que, on le sait, Barack Obama arrive au terme de son second mandat présidentiel. Il ne sera donc plus chargé des destinées du pays dans quelques semaines, dans quelques mois. Par conséquent, ça n'engage pas son successeur, finalement. Bon, pour l'instant, il ne s'agit que de promesses. Je crois qu'il faut quand même attendre le résultat de l'élection présidentielle américaine de novembre, et on verra un petit peu ce que le prochain locataire de la Maison-Blanche fera. Pour l'instant, encore une fois, la décision que peut prendre un président des États-Unis en fin de parcours, en fin de mandat, n'a pas forcément beaucoup de signification. Oui, absolument. Quoi qu'on ait l'impression que Barack Obama, à la différence de ses prédécesseurs, au lieu d'expédier un peu les affaires courantes, hein, comme c'est le cas souvent, précipite pas mal de petites initiatives, comme s'il voulait profiter justement, faire passer des trucs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a il y a beaucoup à redire sur ses deux mandats, mais je pense que par exemple dans l'affaire iranienne, il me semble qu'il a quand même fait preuve d'une relative sagesse, d'une relative... il n'a pas été un bout de feu dans cette affaire-là, donc il est possible quand même qu'il souhaite rester dans l'histoire comme un président qui n'ait pas été trop désastreux, bien qu'encore une fois, son bilan, surtout d'ailleurs en politique intérieure, pas seulement, paraisse quand même... Là, il est catastrophique. Tout à fait catastrophique, oui. Aussi bien sur tous les plans. Le plan LGBT, Obamacare... Et à la limite, je dirais que c'est en politique extérieure qu'il a peut-être été le moins mauvais. Mais en politique intérieure, c'est véritablement un désastre. Un désastre. Ouais. Alors, félicitations, je lis, on en vient de recevoir quelques... réaction d'auditeurs. Félicitations, monsieur Bourbon. Il appelle un chat un chat. Bon, ça c'est très bien. Puis il y a une deuxième réaction qui va me permettre une transition. D'abord, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier, et actuellement le club de la presse qui se résume aujourd'hui à Jérôme Bourbon et à moi-même. Deux petites annonces à faire, des annonces de conférences. La première, le vendredi 23 septembre 2016 à 20h30, conférence débat de Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, candidat à la primaire de droite et du centre. Vous savez, celui celui auquel on préfère François Fillon quand on est à sens commun. Et donc Jean-François-Frédéric Poisson va donner une conférence 9 rue Bergère, Paris 9e. L'inscription se fait au 06 20 35 55 48. Inscription au 06 20 35 55 48. Il y a une participation au buffet. Il faut apporter les boissons quand on est un monsieur ou les nourritures terrestres quand on est une dame. Ce Jean-Frédéric Poisson est décidément terriblement sexiste. Bon, alors le 2 octobre à Rungis, la 10e journée de synthèse nationale, de 11h à 18h30, à l'espace Jean Monnet, 47 rue des Soleils à Rungis. 47 rue des Soleils à Rungis. Le thème de la journée, il y aura tout plein de stands et de participants de toutes sortes. Le thème de la journée sera « Pour une offensive nationale et identitaire ». Et l'invité d'honneur sera Jean-Marie Le Pen. Alors, quelques questions. Quelques questions, enfin, questions d'auditeurs. Ou remarque. Alors, j'ai toujours beaucoup apprécié les analyses de M. Bourbon, mais depuis que dans deux précédentes émissions, il s'est mis à faire valoir la petite horreur inadmissible Sarkozy, je ne suis plus d'accord avec lui. Mais vous, Jérôme, vous avez fait de la propagande pour Sarkozy ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi, j'ai simplement dit, comme Le Pen l'avait dit lui-même, qu'il me paraissait... Il est aussi vil et méprisable que tous les autres politiciens. Je n'ai jamais voté pour lui, je ne voterai jamais pour lui. Ce que j'ai voulu dire simplement, mais peut-être me suis-je mal fait comprendre, c'est qu'il me paraissait, par rapport à Juppé, à Fillon, avoir un peu plus de talent, de culot, d'énergie, d'habileté, si vous voulez. Alors c'est vrai que Patrick Buisson l'avait beaucoup aidé pour essayer de séduire l'électorat tenté par le Front National. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai voulu dire et que j'avais l'impression que, certes, il a beaucoup d'affaires, mais qu'il n'était pas forcément politiquement fini, parce qu'il me paraît de la ressource. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je n'ai nullement fait l'apologie de Sarkozy, ni en tant qu'homme, ni en tant que politique. Mais si je m'ai mal fait comprendre, j'en suis confus. Alors, savez-vous que le grand-père, c'est une dame qui dit ça, de M. Debré était rabbin. Oui, et alors, ce qui explique sa grande amitié avec M. Sarkozy, dont le grand-père a demandé sa nationalité française en 1928. Mais je crois que Debré n'est pas du tout pro-Sarkozy, il est pro-Chirac. Exactement. Hein. Voilà, il y a une vraie haine entre les deux hommes. Debré est pro-Chirac. Malgré les grands-pères. Hein, il a tenu des propos très, très, très durs contre Sarkozy. Absolument. Non, c'est un chiraquien pur jus, oui. Jean-Louis Debré. Qui pour l'instant donnerait plutôt dans le Juppé. Alors, une dernière question. Que pensez-vous de l'attitude des armées turques en Syrie ? C'est adressé à M. Bourbon, donc je la pose. Ben, je pense que, comme je le disais dans une précédente émission, que il n'est pas toujours évident de comprendre le jeu complexe du président turc Erdogan. Qui a beaucoup varié dans ses déclarations. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il faut penser du coup d'État manqué qui, dans les faits en tout cas, l'a favorisé, hein, puisqu'il a ainsi renforcé son pouvoir, éliminé ses opposants très facilement. Mais il me paraît en effet, comme beaucoup d'observateurs, que la Turquie joue dans cette région du monde un rôle tout à fait délétère, et pas simplement dans cette région du monde, puisqu'aussi bien on sait que le président Erdogan favorise la migration de centaines de milliers, de millions de personnes vers l'Europe. Et que de ce point de vue-là, il joue un rôle tout à fait délétère, et que les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui n'ont jamais été arrêtées, et ne sont que de nature à aggraver le problème, même si la Turquie n'est pas membre officiellement de l'Union européenne. Il y a une présence turque en France, en Allemagne, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, extrêmement importante. Il n'est que de voir, d'ailleurs, par exemple, la multiplication des kebabs, même dans des petites villes et des villages de France. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre, hélas, l'adhésion officielle de la Turquie à l'Union européenne pour qu'il y ait une présence turque extrêmement importante dans le vieux continent. Ah, ça c'est clair. On s'est longtemps battu pour l'Alsace, savoir si elle deviendrait allemande ou française. Actuellement, elle est très turque. D'abord, enfin, je dis ça malheureusement, c'est parce que c'est une réalité, en plaisantant, excusez-moi chers amis alsaciens, bien entendu, mais tout de même, ce problème est assez important. Alors, on va finir la politique étrangère sur deux questions. D'abord, je ne sais pas si vous avez suivi la tension en mer de Chine méridionale. Très rapidement, au mois de juillet, je crois, au mois de juillet, le tribunal de la Cour internationale de La Haye a donné tort aux revendications chinoises. Les revendications chinoises en mer de Chine méridionale portent sur des groupes d'îlots, notamment les Paracels et les Spratley, où il y a à la fois une zone de pêche très importante et où il y a aussi des réserves de pétrole. Bon, alors la Chine populaire n'est pas la seule à le revendiquer. Il y a d'abord la Chine nationaliste qui revendique aussi, et puis il y a le Vietnam, parce que c'est beaucoup plus près du Vietnam. Bon. Donc, la Cour internationale de La Haye a donné tort à la Chine, mais la Chine, elle, a déjà pris possession de ces îlots et entend garder les choses par la force. Alors, elle vient de faire des manœuvres navales communes avec la Russie, qui ne sont pas finies d'ailleurs, des manœuvres qui sont à la fois sous-marines, chasse de sous-marins, ravitaillement, vol, manœuvre des bateaux de surface, et puis il y a un exercice de débarquement sur les îles, donc c'était assez abusant. Et alors, parallèlement, enfin, pour contrer l'affaire, il y a les États-Unis qui, au contraire, passaient un accord naval avec l'Inde. C'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, pendant toute la guerre froide, l'Inde était l'allié de la Russie et il y a une espèce de renversement des alliances. À votre avis, est-ce que ça peut déboucher sur soit des vraies tensions, notamment avec l'histoire de la Corée, ou bien ça va déboucher sur une espèce de tout le monde s'allie avec tout le monde dans une perspective qui mène plutôt alors vers une internationalisation de la crise des forces armées menant en termes sur la gouvernance globale. Voilà. Oui, c'est assez difficile à dire. Mais on voit très bien de toute façon que il y a une volonté qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs d'aller vers une mondialisation, une globalisation, et d'encourager tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'une gouvernance mondiale, pour ne pas dire d'un gouvernement mondial. Et d'aucuns pensent même que les crises économiques et financières sont directement fomentées, mises en œuvre, pour justement favoriser cette gouvernance mondiale. Moi, je n'ai pas les informations pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, mais en tout cas, ce n'est pas du tout impossible. Et on voit très bien que malheureusement, aujourd'hui, toutes les forces, toutes les structures d'importance font le jeu du mondialisme, y compris, il faut bien le dire, les occupants du Vatican. Parce que si ceux qui se réclament du catholicisme, je veux dire, constituaient une force contre le mondialisme, ce serait comme un frein considérable. Or, ce n'est pas le cas depuis Vatican II. Je dirais même que les choses s'accélèrent dans le mauvais sens d'année en année, malheureusement. Et non seulement sur les barrières économiques et sociales, la volonté aussi de favoriser l'immigration, mais même aussi, ce qui est à mon avis en un sens encore plus grave quand on est croyant, sur tout ce qui concerne les barrières morales, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, la vie, etc. Vous n'êtes pas un fanatique du pape François. Alors, je vous en demandais de parler sur cette question, qui à mon avis est vraiment très importante, tout en gardant à l'esprit que beaucoup de nos auditeurs ont un grand respect pour le pape François. Voilà. Alors, mais moi, je pense qu'on peut porter des critiques raisonnables tout en ménageant le sentiment, je crois, dominant des auditeurs. Alors d'abord, il faut dire une chose, c'est que quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire de la religion chrétienne, on s'aperçoit que tous les schismes et toutes les hérésies ont débouché très vite sur la mise en cause, d'une part, du célibat sacerdotal et d'autre part, de l'indissolubilité du mariage. On l'a vu avec les protestants, avec les orthodoxes. Je rappelle que les orthodoxes, on peut se marier trois fois. Enfin, les schismatiques orientaux, dit orthodoxes, on peut se marier trois fois. Et par conséquent, on voit tout de suite que dès qu'on se sépare de la doctrine catholique, dans sa pureté, dans son intégrité, immanquablement, il y a des dérives et des dérives graves. Or, nous constatons que... Que François met en cause de manière de plus en plus explicite le dogme de l'indissolubilité du mariage, alors de plusieurs façons. D'abord, en favorisant l'annulation des mariages, puisqu'il a considérablement facilité les procédures qui étaient déjà extrêmement souples, puisque les tribunaux diocésains, notamment, je crois que les plus laxistes, c'était quand même aux États-Unis. Il suffisait de demander, quasiment, on obtenait. Mais d'ailleurs, un peu partout, si on est un petit peu patient, on obtient l'annulation, sans aucune raison valable. Bon, donc ça, c'est une première façon de s'en prendre à l'indissolubilité du mariage. Et puis, la deuxième, qui est peut-être encore plus forte, plus explicite, plus brutale, c'est d'accepter le principe de la communion pour les divorcés remariés. D'ailleurs, ces derniers jours, François a explicité sa pensée en disant clairement que le document qu'il avait fait, il n'y avait aucune équivoque, il fallait le comprendre comme une acceptation du principe de la communion pour les divorcés remariés. Alors, c'est quand ça même... a été précisé ça, Oui, il a précisé ce jour-ci. Jeanne Smith, sur son blog, a fait des choses tout à fait très remarquables, très claire là-dessus, je veux dire, elle dit très bien les choses, elle cite ce qu'a répondu François dans cette affaire, c'est extrêmement clair, et il dit qu'il n'y a qu'une façon de comprendre, donc là vraiment, il n'y a même plus l'ambiguïté volontaire qu'on a souvent chez les modernistes. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons pas mal disserté sur la communication très particulière de ce pape qui dit ceci, qui dit cela, et qui pêche constamment notre mais là, il a clarifié. Il y a une clarification très important. Et c'est important parce que les conséquences sont considérables par rapport au sacrement. Bon, évidemment, la réception du sacrement de l'Eucharistie, qui pour un catholique est le plus grand des sacrements, à un point tel d'ailleurs que même Napoléon Ier, lorsque ses généraux l'interrogeaient en disant, mais pour vous, quel est l'événement le plus important, le plus beau jour de votre vie, l'événement le plus important de 15e, est-ce que c'est Austerlitz, est-ce que c'est le jour où vous avez été couronné empereur, etc. Et Napoléon de répondre, non, c'est le jour de ma première communion. Et donc, c'est dire que on avait quand même, par rapport à la communion, et notamment la première communion, quand même une dévotion, d'ailleurs, tout à fait légitime et tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, lorsque Saint Pie X a permis aux enfants de communier, on a eu quand même des saints. Je veux dire, on pense à l'histoire d'Anne de Guigné ou à d'autres enfants tout à fait remarquables qui prouvent le travail de la grâce chez les enfants dès le plus jeune âge, tout à fait magnifique. Et d'ailleurs, moi j'encourage, je le dis franchement, les parents, je veux dire, plutôt que faire regarder leurs enfants Dora l'exploratrice ou je ne sais quoi, leur faire lire la vie des saints, des héros, des martyrs. Il y a des choses magnifiques pour les enfants qui, justement, permettent d'élever leur âme, puisqu'on ne cesse de nous leur abaisser à tout point de vue et de pratiquer les vertus domestiques et vraiment de regarder vers le ciel, notre véritable patrie. Bon, alors bon, j'en reviens. Donc là, en l'occurrence, s'agissant donc de Bergoglio, de François. Donc d'une part, il y a donc le fait que ça met en cause évidemment le problème du sacrement de communion, puisqu'on ne peut pas communier si on a une faute grave sur la conscience, telle est la doctrine catholique, donc ça pose un problème par rapport à cela. Ça pose le problème du sacrement de pénitence, que ça veut dire qu'on ne va pas dire dans le sacrement de pénitence quelque chose qui est quand même grave, une situation qui est désordonnée. Personne n'est obligé d'être catholique, mais il est évident que si on est catholique, il y a un certain nombre de règles à respecter. Bon, il y a un décalogue, il y a des commandements de Dieu et de l'Église. Bon, ben, si on n'est pas croyant, si on est agnostique, si on est différent religieusement, on conçoit que on n'attache pas d'importance à ces commandements, à ces préceptes. Mais si l'on est baptisé, catholique, croyant, pratiquant, il est quand même normal de respecter ou d'essayer de respecter, en tout cas, ces commandements. Bon, et donc, c'est quelque chose évidemment qui est gravissime et qui ne peut qu'accentuer le processus d'apostasie universelle que nous connaissons, de désorientation diabolique, de destruction des familles. On sait que la famille a été attaquée depuis un demi-siècle, tout particulièrement de manière considérable. D'abord par l'institution de la pilule contraceptive. On sait que c'est la mentalité contraceptive qui favorise l'avortement, puis l'avortement, le divorce par consentement mutuel, le concubinage d'abord hétérosexuel, puis maintenant homosexuel. D'ailleurs, même on envisage maintenant plus que des unions à 3, à 4, etc. Bon. Et donc, ce démantèlement de la famille, dont on voit autour de soi les désastres considérables qu'il induit, sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan social, parce qu'il est évident que sans la grâce, l'homme peut très bien devenir pire qu'une bête. Eh bien, cette destruction méthodique, évidemment, car ils savent ce qu'ils font, évidemment, eh bien, est tout à fait diabolique, dramatique, et aura des conséquences encore plus dévastatrices, hélas, sur la famille. Je rappelle que Bergoglio François avait déjà tenu des propos plus qu'ambigus sur l'homosexualité, et même sur le principe des unions homosexuelles civiles, du mariage homosexuel, un point tel que des catholiques américains, ou prétendus tels, avaient finalement changé d'avis sur cette question et voté oui, ce qui avait permis dans un état des États-Unis d'Amérique de faire voter le mariage homosexuel en disant puisque la personne que l'on reconnaît comme le vicaire du Christ ne semble pas opposée à cela, il n'y a pas de raison que nous on s'y oppose. Voilà. Donc si vous voulez, il est évident qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait effrayant. Il fait un travail de désorientation générale. Tout à fait, qui est objectif, qui est aisément constatable. Il suffit de lire, il suffit de voir les choses telles qu'elles sont, et c'est quelque chose quand même qui est effrayant, parce que déjà il y a une fragilisation considérable de la famille. C'est difficile de rester, comment dirais-je, dans un couple stable, parce que si vous voulez, il y a une force sociale, si vous voulez, qui faisait qu'avant les gens ne divorçaient pas. Donc déjà ça a aidé. Aujourd'hui, je vous dis, même des directrices de crèche me disaient, mais des enfants de 3 ans, c'est plus les mêmes parents, enfin c'est plus les mêmes personnes qui sont ensemble qu'au moment où ils les amènent à la crèche 2 ans plus tôt. Hein. Moi je me rappelle encore en province, il y a une trentaine d'années, les divorcés étaient quand même rares, et quand il y avait quelques divorces, souvent les enfants étaient déjà âgés, soit majeurs, soit en tout cas au minimum adolescents. Et là maintenant, même des bébés, des enfants extrêmement jeunes, eh bien il y a des séparations et des divorces tout à fait en nombre exponentiel. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'enfant, l'arrivée d'un enfant ne soude pas le couple. C'est souvent une épreuve, une difficulté, parce que dans l'éducation de l'enfant, on voit les failles de son conjoint, ses propres failles aussi, ses propres manques. Et il faut dire aussi que de génération en génération, il y a des tares, il y a des manques, et c'est très difficile d'éduquer convenablement des enfants. Et donc bien souvent, ce qui devrait unir, puisque c'est le fruit de l'amour, un enfant, eh bien peut au contraire diviser un couple et une famille. Bon, mais justement, la foi, la pratique de la foi, des sacrements peuvent aider en principe justement, et le dialogue aussi, l'amour mutuel peuvent aider à surmonter tout cela. Or il est évident que si on choisit de bénir le désordre, le péché, le mal, on est vraiment dans une période de l'inversion. Vraiment aujourd'hui, on appelle bien le mal le bien, beau le laid le beau, enfin c'est quelque chose d'effrayant. Et donc je crois qu'il faut s'opposer à tout cela, je crois qu'il faut rester fidèle à l'enseignement traditionnel de l'Église pendant près de 20 siècles, au magistère de tous les papes de Saint-Pierre à Pie XII inclusivement, et là on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Alors comment concilier cela avec quelques signes très positif dans l'Église. Je pense au cardinal Sarah qui, sur la liturgie et la Sainte Messe, a dit des choses tout à fait souhaitables et bien sur la nécessité de réorienter la messe, par exemple. Je pense au cardinal Burke qui a fait une déclaration tout à fait juste et solennelle pour dire, contrairement à ce qui traîne partout, les chrétiens et les musulmans gens n'adorent pas le même Dieu. Vous allez me dire que c'est évident, mais c'est évident, ça fait du bien que ça soit dit. Vous avez comme ça des signes qui sont des signes positifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment concilier ça avec la désorientation dont vous parliez? Ben, je pense qu'il ne suffit pas de défendre le principe de la messe traditionnelle pour rester dans la bonne voie, puisque je rappelle quand même que tous les évêques au moment de Vatican II disaient la vraie messe, hein, la messe tridentine, la messe traditionnelle, et ça ne les a pas empêchés de tous ou quasiment tous apostasier. Par conséquent, ça n'est pas en soi une garantie suffisante. Bien sûr que la messe est un élément essentiel, mais elle ne peut pas être mise au service de Vatican II et d'une contrefaçon d'Église. J'ajoute par ailleurs que encore faudrait-il que ce soit des vrais prêtres qui la disent, parce que si c'est des prêtres ou des évêques qui ont ordonné pour le nouveau rite, dans le nouveau rite d'ordination, on peut se poser des questions légitimes. Bon, par conséquent, il me paraît qu'il convient d'être fidèle dans tout ce qu'a institué l'Église catholique, dans sa doctrine, dans sa discipline, dans sa liturgie, et suivre ce qu'ont toujours dit les pères, les docteurs de l'Église, les saints, etc. La seule voie de salut, elle est là. Le reste, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est de la tromperie diabolique, c'est de la séduction, c'est de l'imposture. Oui, bien entendu, mais les rappels de quand même, le cardinal Burke, par exemple, le rappel de foi, me semble quand même, on peut pas dire que ça aille dans le mauvais sens. Oui, mais ça, vous savez, les modernistes, ils ont toujours dit tout et son contraire. Paul VI, en même temps qu'il détruisait les sacrements, il a fait une déclaration apparemment traditionnelle en 1968. On connaît ce genre de double discours qui est là pour essayer de séduire les naïfs. Chez moi, ça ne prend pas. D'accord, vous pensez que c'est une ruse. Bah, à partir du moment où on ne met pas en question quand même les choses scandaleuses que dit, que fait François, ça n'a pas de sens, quoi, si vous voulez. Il faut prendre ses responsabilités. Alors ça n'a rien à voir, mais ça c'est pas mal de changer un petit peu. Bien sûr, que se passe-t-il chez Alstom? Votre analyse, alors? Votre analyse sur Alstom? Vous avez... Je n'ai pas suivi le dossier ces derniers temps, j'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus que ce que dit la presse, n'ayant pas le dossier sous les yeux, et c'est quand même un dossier assez pointu. On peut dire simplement que l'État se réveille tard, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'on n'ait pas du tout les données simplement industrielles et financières d'Alstom à Belfort. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'on est quand même, je crois, donné aux États-Unis d'Amérique. Par rapport, je crois, aux centrales nucléaires, hein, si c'est bien le même dossier, je veux dire, non, c'est un autre dossier peut-être, oui. Je confonds peut-être, oui. Bon, autant pour moi. Bon, enfin, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que il me semble que nos présidents de la République, au lieu de défendre l'industrie française, l'agriculture française, depuis qu'on est pieds et poings liés dans l'Union européenne, je constate que n'ont cessé de se détruire, de se démanteler les uns après les autres, tous les secteurs. On a commencé par les chantiers navals, le textile, même maintenant l'automobile de plus en plus, et même ce qui était des fleurons de l'industrie française, des secteurs de pointe, sont de plus en plus mis à mal. Donc je ne vois pas que ceux qui défendent l'Union européenne, je me rappelle Jacques Delors qui disait qu'avec Maastricht, quasiment tout nous tomberait dans le bec sans faire d'efforts, ça n'est pas ce qui s'est produit, bien au contraire, puisque au contraire, on constate une désindustrialisation de notre pays de plus en plus inquiétante. Alors, sur la politique étrangère, le conflit entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique paraît inéluctable pour beaucoup d'observateurs, pour certains observateurs, mais ça reste justement à prouver. J'apprécie beaucoup vos positions. J'ai fait connaître Radio Courtoisie à de nombreux auditeurs. C'est très bien de ne pas restreindre la liberté. Beaucoup viennent à Radio Courtoisie via la toile. Ça, c'est vrai, c'est une chose. Ça sert pas mal, Internet, pour ça. On étend un petit peu la chalandise. Alors, au mois d'octobre, il y aura de nouvelles élections en Autriche, puisque celles d'avant furent annulées, c'est juste. Il y aurait des manœuvres visant à retarder ces élections. Oui, c'est exact, oui, effectivement. Quel est votre avis? Oui. Il semble qu'il y ait une volonté de report, mais je n'en sais pas plus. Alors, c'est lié, alors je connais le prétexte, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est lié aux enveloppes, on est toujours dans le vote par correspondance, qui a fait déjà le problème la dernière fois. Les enveloppes qui seraient fournies à l'État autrichien ne ne serait pas de bonne qualité, ne permettrait pas de tenir des élections correctes. Alors, il semble que les sondages sont favorables au candidat du FPO, je crois autour de 53%, oui. Et donc d'aucuns disent que c'est pour ça qu'on reporte les élections, ça n'est pas impossible. Mais si c'est ça, je ne sais pas si ça... Si, il y a une autre question, effectivement. Si on reportait jusqu'à l'année prochaine, je crois qu'on serait obligé de reviser les listes électorales. Or, il y a depuis les dernières listes électorales à la fois des entrants et des sortants. Les sortants, ce sont les vieux Autrichiens. Les entrants, ce sont des nouveaux Autrichiens. Suivez mon regard. On peut espérer que comme ça, en changeant la population, c'est un changement de population, on aurait un meilleur résultat pour le candidat des Verts et de la Révolution. Alors pour M. Bourbon, vous ne manquez jamais de critiquer le Front National, il n'en reste pas moins. Ça va me permettre de faire la transition sur la politique intérieure. Le Front National, il n'en reste pas moins que pour 2017 et les Français blancs, c'est Marine, les Français d'ailleurs, c'est Marine Le Pen, le dernier recours pour nous à l'exclusion de tout autre. C'est le point de vue de l'auditeur qu'il a parfaitement le droit d'avoir et de défendre. Moi, je ne suis pas convaincu, à titre personnel, que Marine Le Pen soit la nouvelle Jeanne d'Arc et soit le recours, le salut pour la France. D'abord, je crois que ce serait trop simple si la solution pouvait être simplement électorale et que par le simple bulletin de vote, tout finirait par s'arranger et par se résoudre. Par conséquent, je suis très sceptique là-dessus. Après, s'agissant du vote, du fait de voter ou de ne pas voter, chacun agit en conscience et prend ses responsabilités. Tant qu'on ne m'oblige pas, moi, à voter, je veux dire, chacun fait ce que bon lui semble. Je n'irai pas me fâcher sur des questions pour moi électorales. Chacun agit comme bon lui semble. Mais personnellement, beaucoup de positions de Marine Le Pen ne me paraissent pas, me semble-t-il, aller dans le bon sens. Sur le cas, moi, ce n'est pas celle que j'approuve. Alors, est-ce que vous approuvez Robert Ménard, qui vient d'avoir des déclarations sur le fait d'être français, blanc et catholique, qui a d'ailleurs provoqué une controverse, qui a été très attaqué. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bien, je pense que les propos de Robert Ménard en disant que, je cite, « être français, c'est aussi être blanc, européen et catholique », comme le disait le général de Gaulle, hein, je cite quasiment mot à mot ce qu'il a dit, eh bien, si un homme politique, un homme public avait tenu ses propos il y a quelques décennies, cela n'aurait suscité aucune vague parce que cela serait apparu comme du simple bon sens, comme une évidence, comme un truisme. Bon. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui prouve bien que les choses ont bien changé en quelques décennies. Mais je dois dire, puisqu'on parlait du Front National à l'instant, on peut regretter de ce point de vue-là que tant Louis Alliot que Marine Le Pen se sont distanciés ouvertement de ces propos en refusant de les approuver, de les cautionner, en disant qu'ils ne les partageaient pas, qu'être français c'était pas une question de couleur de peau, alors que Ménard ne faisait exciter de Gaulle, qui disait effectivement qu'un Français... c'est aussi, c'est-à-dire très majoritairement, c'est en principe, traditionnellement, historiquement, un blanc, un européen, un catholique. Et il ajoutait, parce qu'il a pas dit ça comme ça, in abstracto, il a dit ça à propos du fait que dans ses classes à Béziers, eh bien, certaines classes comptaient jusqu'à 91%, ce qui est considérable, 91% d'élèves musulmans. Et que cela, disait-il, je cite, « pose un problème ». Bon. J'ai vu que la LICRA, sur son compte Twitter officiel, a déposé plainte contre Ménard pour ses propos. Hein. Elle a transmis une plainte au ministère de l'Intérieur pour incitation à la haine raciale, c'est-à-dire un délit passible de 45 000 euros d'amende et d'un an de prison ferme pour incitation à la haine raciale. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a quelques jours, Hervé Ryssen, que sans doute un certain nombre de nos auditeurs connaissent, a été condamné à un an de prison ferme pour simplement quelques tweets et un message sur Facebook à visée humoristique. Un an de prison ferme. Et je rappelle qu'il y a quelques mois, je crois que je l'avais pour dit... Pour délit d'opinion, je l'avais dit il y a quelques mois à ce micro, le blogueur et militant nationaliste Boris Lelay avait été condamné à 2 ans de prison ferme uniquement pour quelques messages sur les réseaux sociaux. Messages qui n'étaient en rien des appels au meurtre ou à la violence, ni implicite ni explicite, mais simplement dans l'un il disait, je crois que, selon lui, pour lui, les Celtes ne pouvaient pas être noirs. Ça, ça lui a valu 6 mois de prison ferme pour avoir. Les Celtes ne peuvent pas être noirs, 6 mois de prison ferme. Alors, je vous interromps parce que c'est ça, je crois que c'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs. C'est pour ça qu'il faut absolument défendre par tous les moyens, becs et ongles, d'une façon très brutale et très stupide, la liberté d'opinion sur Roi d'Occitanie et la liberté d'opinion d'Henri de Lesquin, parce que si on commence à céder ne serait-ce que le bout du bout d'un ongle, on y passe entièrement. On arrive à cette folie douce, dans cette folie furieuse, ces magistrats complètement mais dingues et nocifs qui arrivent à mettre 6 mois ferme pour avoir dit qu'on ne peut pas être celte et noir. Oui. Il a 2 ans de prison ferme, parce que je crois qu'il avait tenu des propos sur l'islam, qui n'était pas d'ailleurs plus violent et radical que ça. 2 ans de prison ferme parce qu'il avait déjà une condamnation et une peine de prison ferme. Donc le maximum de la loi, c'est 1 an, mais on peut doubler en cas de récidive. Donc 2 ans de prison ferme, c'est quand même quelque chose qui est hallucinant et on devrait davantage se mobiliser contre cela et se scandaliser de cela parce que cela devient insupportable. Et c'est une machine, si vous voulez, qui s'alimente elle-même. Donc plus on avancera, plus eh bien, la parole se restreindra et plus eh bien, les condamnations tomberont pour des choses de moins en moins... Et ça, c'est pas la loi Guesso, hein, c'est la loi Pleven. C'est ça, parce que jusqu'à présent, c'était surtout pour la loi Guesso qu'on était condamné à des peines de prison ferme. Je pense notamment à Vincent Renoir qui a eu à plusieurs reprises des peines de prison ferme pour donc révisionnisme, c'est-à-dire pour contestation de crimes contre l'humanité. Loi Guesso, Fabius Guesso, 1990. Mais là, c'est la loi Pleven, plus ancienne, de 1972, qui là pour le coup, jusqu'à présent, ma connaissance, sauf erreur de ma part, faudrait vérifier, hein, mais il me semble que je ne crois pas, avant ces derniers mois, qu'il y ait eu, encore une fois, hein, je voudrais vérifier quand même, mais je ne crois pas, qu'il y ait eu jusqu'à présent, de 1972, en France, un individu ou un groupement qui a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir contrevenu à la loi Pleven. Je ne crois pas. Je crois que c'est les premiers. Et là, maintenant, ça tape autant que pour la loi Guesso, autant que pour le révisionnisme. Ils deviennent fous. Donc ça devient effrayant. Ouais. Surtout qu'il est quand même très rare, en général, que des magistrats donnent le maximum de la peine qui est prévue pour le code pénal pour une infraction. Bon, et surtout pour des tweets. Enfin, qu'y a-t-il de plus fugace et de plus évanescent qu'un tweet ? Et donc, je rappelle, pour les auditeurs... Est-ce qu'on peut être germain et bleu ? Que c'est 140 signes, tout simplement. Ça revient quand même cher. La voyelle, la consonne reviennent cher, quand même. Bon. Et surtout qu'à cela, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la peine de prison ferme, qui est évidemment la peine principale, s'ajoutent quand même des peines pécuniaires, des peines financières non négligeables, puisqu'aussi bien vous avez des amendes, qui peuvent aller jusqu'à 45 000 euros, et ce qu'on oublie souvent, les dommages et intérêts, qui... lorsqu'en général plusieurs associations dites antiracistes se mettent en branle, il suffit qu'elles arrivent devant la 17e au tribunal, elles sont tout de suite, se constituent partie civile, elles ont légalement le droit de demander des sommes souvent importantes, donc la LICRA, les droits de l'homme, SOS Racisme, l'UMRAP, etc., mais maintenant le CRAN et tant d'autres, eh bien cela peut devenir tout à fait important. Et s'ajoute également une chose qu'on oublie souvent, on en a fait la malheureuse expérience, et il y a les magistrats peuvent ajouter, et ils sont prêts de moins en moins, ce qu'on appelle les frais de publication judiciaire. Et ça, c'est extrêmement cher, vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que, par exemple, le magistrat demande que votre condamnation, le texte intégral de la condamnation, soit publié dans des journaux qu'ils choisissent. Alors, ça va être souvent le Figaro, le Monde, Libération. Sachant que chaque publication, il faut que les gens le sachent, hein, chaque publication coûte 5 000 euros. Moi, je me rappelle dans l'affaire Le Pen sur l'occupation allemande en 2005, il avait été demandé que la condamnation donc de Le Pen et de nous autres donc figure dans Le Figaro, et ça nous a coûté 5 000 euros. Et c'est le prévenu ou les prévenus qui doivent donc payer. En l'occurrence, c'est d'ailleurs en général le directeur de publication. Donc c'était mon cas, qui doivent payer les 5 000 euros par publication. Mais j'ai vu des jugements où on demandait jusqu'à jusqu'à 5 publications, donc 5 fois 5, 25 000. Ouais. Voilà. Et ça, les gens l'oublient parfois, donc il faut le savoir. Souvent, c'est même souvent plus cher à l'arrivée, enfin, moi je l'ai constaté, c'est même souvent plus cher à l'arrivée que les dommages et intérêts. Bon. Mais quand vous ajoutez les amendes, les dommages et intérêts et les publications judiciaires, vous arrivez à des sommes colossales. Hein. Ça peut être parfois le prix d'un petit appartement en province. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle on est véritablement dans un système qui devient fou et qui est véritablement bolchevique. C'est pourquoi, moi, dans Rivarol cette semaine, là, qui paraît demain en kiosque, j'ai titré à propos de la condamnation à un an de prison ferme de Réverissen, leur République est un goulag, ou devient un goulag, parce que ça devient absolument hallucinant. Surtout qu'encore une fois, il ne s'agit pas, moi j'ai bien relu attentivement tous ces tweets, tous ces messages, il ne s'agit absolument pas d'appel au meurtre, ou même de haine raciale, c'est tout à fait inexact, c'est simplement en général des propos contre, soit donc dans le cas de Brice Lelay, contre la politique d'immigration, contre l'islam, ou s'agissant d'Henri de Lesquin, contre un certain lobby, c'est tout, voilà. Mais on devra avoir le droit de critiquer des groupes de pression, quels qu'ils soient. Donc François Mitterrand disait lui-même qu'ils avaient un rôle puissant et nocif. Est-ce que les militants de droite, les partisans de la liberté d'expression, sont tous d'accord sur le fait qu'il faut abroger la loi des Guesso? Il y a eu des demandes là-dessus, des demandes d'ailleurs qui ont été intellectuellement approuvées par Simone Veil ou par Jacques Toubon. Hein. Mais en revanche, on ne fait pas du tout de manifestation sur la loi Pleven. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut rajouter. C'est probablement la matrice. C'est la matrice. Il faut l'attaquer à fond. Il y avait eu le décret loi Marchandeau en 1939 qui a été abrogé par Vichy, bon, qui n'a donc pas fonctionné longtemps. Mais il est sûr que la loi Pleven, c'est la matrice. Même si je dirais que la genèse de tout ça, c'est quand même le tribunal de Nuremberg, quand même, hein, puisque vous avez quand même tout dedans. Oui, d'accord. Jérôme, c'est pas dire le contraire, mais le tribunal de Nuremberg, c'est un tribunal interallié après une guerre fait pour condamner un régime. Et cela, c'est la loi Pleven, c'est en pleine paix l'installation dans la loi de délits qui sont complètement ahurissant. Parce que même dans la loi Pleven, il faut savoir qu'il y a la discrimination nationale. C'est-à-dire que la préférence nationale, quelle qu'elle soit, en principe, si on appliquait à la lettre la loi Pleven, est considérée comme un délit. Donc, par exemple, réserver le droit de vote aux Français, si on appliquait la loi Pleven, théoriquement, ce serait délictueux. Bon, hein, ou le fait qu'il y ait que des Français dans la fonction publique, eh bien, ce serait aussi considéré, si on applique la lettre de la loi Pleven, comme un délit. Et ce qui est hallucinant, c'est que cette loi détestable a été votée à l'unanimité, je crois, de nuit, devant un hémicycle quasiment vide, à l'Assemblée nationale, le 1er juillet 1972. Et comme beaucoup de ces textes. C'était sous Pompidou, hein, donc c'est quand même déjà ancien. Oui. Et alors, comme souvent, si vous voulez, quand vous avez une loi détestable comme cela, au départ, elle n'est que pas ou peu appliquée. Je crois que les premières applications réelles de la loi Pleven, ça date du milieu des années 80, pas tellement avant finalement. Hein. Mais ça n'était encore que relativement limité, et lorsqu'on était condamné, en général, les peines étaient quand même relativement faibles ou modérées. Et depuis les années 90, alors avec une accélération depuis une quinzaine d'années, là maintenant, non seulement il y a une aggravation des peines, mais je dirais qu'il y a une multiplication des procès pour cela, qui est hallucinant. Mais je pense que la loi Pleven, ça a quand même été, il faut le dire, un moyen pour le lobby de l'immigration d'empêcher les Français, et notamment les patriotes français, de s'opposer efficacement à cette politique de grand remplacement. Ça a été le point de la loi. Ça n'est pas un hasard, puisque c'est quand même après l'époque où vraiment l'immigration commence à devenir vraiment massive en France, et effectivement, elle a servi à intimider les gens considérablement. Comme SOS Racisme, à partir du début, du milieu des années 80, a servi à tétaniser les gens, à tuer leur défense immunitaire, et ça a quand même beaucoup fonctionné, parce qu'en plus, bon, il y a toute une série de gens naïfs qui, par pseudo bon sentiment, ont marché là-dedans à fond et ont participé absolument. De beaucoup de choses à la destruction de leur Giscard, pays. Mais le premier à avoir lancé la pompe de l'immigration, c'est Pompidou, hein, ça c'est clair. Il ne faut pas oublier que c'était quand même l'homme des Rothschild, hein, voilà. Quand même. Bon, et que c'était quand Il est 19h14, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, le Club de la Presse, avec ce soir mon invité Jérôme Bourbon et moi-même, Martin Pelletier. Donc, je relis encore quelques réactions. Un auditeur sourcilleux, et il a raison, rappelle que c'est auprès du procureur de la République et donc du ministre qu'on porte plainte, bien entendu. Et quelqu'un vous en veut, c'est toujours un homme, hein, de critiquer le Marine Le Pen et le Front National. Et il se demande si vous allez voter pour Juppé, Macron, Dupont-Aignan ou Fillon. Mais non, Jérôme a été très clair, il ne votera pas pour ces gens-là. Moi, à titre personnel, je ne voterai pas. Mais encore une fois, si des gens font un autre choix, c'est leur liberté. Ce qui m'agace parfois un peu, c'est qu'on veuille, moi, m'obliger à uriner. Or, c'est ma liberté aussi de ne pas forcément vouloir uriner. Parce que je me suis rendu compte au fil des années et des décennies que ça ne servait à rien, qu'en plus, ça permet de garder, de ne pas se salir les mains. Et finalement, c'est pas plus mal. Bon. Mais cela dit, encore une fois, si des gens veulent voter pour ce qu'ils estiment être le moins pire, seulement le problème, c'est que le moins pire, on l'a expérimenté depuis des décennies, c'est quand même le pire, c'est quand même le mal. Et je crois qu'il faut sortir du système, de ses codes, de ses valeurs, de ses fausses valeurs, de ses. Voilà, encore une fois, je ne crois pas que moi, j'ai cru quand j'étais plus jeune aussi, que la prochaine élection présidentielle, la prochaine élection législative, la prochaine élection, il y aura un sursaut national, il y aura un renouveau national, puis finalement, il ne vient jamais. Bon, et non seulement il ne vient jamais, mais je dirais que, alors même que la situation s'aggrave d'année en année, de décennie en décennie, je dirais même qu'on propose des solutions de plus en plus, comment dirais-je, de compromission avec le système, d'attiédissement des convictions, d'atténuation des positions, et même, je dirais, même parfois de reniement. Bon. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Voilà. Mais encore une fois, je sais que sur les questions électorales, souvent les passions sont fortes. Donc, encore une fois, moi, je n'irai pas me fâcher personnellement avec quiconque. J'ai des amis qui votent à toutes les élections, ça n'empêche pas d'être des amis, mais j'ai le droit d'exercer aussi ma liberté, voilà. Je ne l'impose à personne, mais voilà, moi, je personnellement, ce n'est pas par dandisme ou par esthétisme, mais encore une fois, je ne me reconnais dans aucun des candidats. Vous savez, pour voter pour quelqu'un, il faut aimer, pour aimer, il faut respecter, ça, c'est quand même un conjoint, hein. Si vous ne l'admirez pas quelque part, si vous ne l'estimez pas, bah, vous ne l'aimez pas. Et moi, je n'ai pas d'estime pour Marine Le Pen, je le dis franchement. Voilà. Et alors, et le projet de Jean-Marie Le Pen de repartir à des législatives, vous prenez ça comment ? Est-ce que, justement, vous avez de l'estime ? Est-ce que vous trouvez ça un peu utopique ou inutile ? Bah dans la vie, vous savez, on a confiance ou on n'a pas confiance. Et je crois que c'était, Jean-Marie Le Pen qui est à la tribune de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agissait de savoir s'il fallait voter ou non la confiance au gouvernement Chirac, il avait parlé avec son cœur, avec ses tripes, comme souvent. Il avait dit, c'est donc la question de confiance. Est-ce qu'il faut ou non voter la confiance au gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac ? Et le président du Front National de l'époque, eh bien, de dire la question de confiance, la confiance, ça ne se décrète pas. On a ou on n'a pas confiance. Mesdames et messieurs, je n'ai pas confiance. Voilà. Et la suite lui a donné raison quand on voit ce qu'a été le gouvernement Chirac de cohabitation, qui a été un reniement total sur le code de nationalité, sur la sélection à l'entrée de l'université, sur l'immigration, sur toute une série de domaines où il a fait la politique de la gauche et non pas n'appliquant pas la plateforme RPR-UDF de 1986, inspirée d'ailleurs grande partie du Club de l'Horloge. Bon, des travaux du Club de l'Horloge, mais ça n'a pas du tout été appliqué une fois aux responsabilités. Voilà. Eh bien, donc, oui, donc vous me répondez sur Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas ce qu'il en sera précisément, mais je pense que ça doit être extrêmement douloureux pour lui. Lorsque l'on a fondé un mouvement politique, qu'on l'a dirigé pendant une quarantaine d'années, d'en être exclu par son successeur immédiat, celui dont on a favorisé toute la carrière, au détriment même de certains de ses lieutenants fidèles, et que il s'avère que ce successeur, qui se trouve être en plus sa fille, sa Benjamine qui plus est, eh bien ce soit cette personne qui vous exclut. Alors j'ai essayé de regarder dans l'histoire politique depuis les origines, depuis l'Antiquité, en France, en Europe et dans le monde, si on trouve, je serais heureux de le savoir, mais je n'ai pas trouvé de précédent, qu'un fondateur de parti soit exclu par son successeur qui se trouve être son enfant. Et là, en l'occurrence, sa fille. Je n'en connais pas. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce serait sera un des éléments peut-être pour lesquels Jean-Marie Le Pen passera dans l'histoire, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez inouï. Et personnellement, je pense que le fait qu'on ait considéré ça comme quelque chose finalement d'assez anodin prouve aussi, à mon avis, qu'il y a quand même un relativisme moral assez effrayant, parce que je crois que j'ai lu quelque part que je crois que Jean-Marie Le Pen était récemment en Afrique et que des dirigeants africains lui disaient que votre fille ne vienne pas ici, parce qu'elle sera mal reçue, parce que pour nous, s'en prendre à son père de cette façon-là, auquel on doit tout, la vie, la santé, la carrière, l'argent, le pouvoir, les médias, c'est quand même très mal vu dans nos milieux. Mais faut-il que l'Occident soit complètement dégénéré pour que qu'on considère ce qui aurait été considéré comme un péché majeur autrefois, voire comme un crime, eh bien, je veux dire, soit considéré comme finalement quelque chose de très secondaire. Oui, mais alors, le projet législatif de Jean-Marie Le Pen, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui peut servir à quelque chose ou pas ? Surtout que c'était pour complaire au CRIF, hein, cette affaire-là, parce que je veux dire, comme l'a très bien expliqué sur ce point Harry Warhol, finalement, elle a préféré Papa Kukierman, le président du CRIF, à Papa Le Pen, Marine Le Pen, pensant que finalement on lui ferait une petite place au soleil et qu'elle pourrait obtenir qu'au deuxième tour des régionales il n'y ait pas un front républicain. Manque de chance, il y a bien eu le front républicain quand même. Voilà, les promesses d'accord, n'engagent que ceux qui y croient. Revenons à ma question. Oui, c'était ma réponse. Oui. Alors votre question. Ma question, c'est ce projet de Jean-Marie est-il sérieux ? Va-t-il aller au bout de présenter, d'investir des listes au projet Je l'ignore. Il faudrait demander à l'intéressé lui-même. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile ? Bien, je pense que, bon, les questions électorales, maintenant, je dois dire que j'étais passionné quand j'étais plus jeune. Je garde cela avec une certaine distance maintenant. Mais en plus, je ne sais pas exactement si ce projet aboutira, combien il y aura de candidatures. Mais en soi, si, en plus, bon, le problème des législatives, c'est qu'en général, comme maintenant, depuis le quinquennat, elles suivent toujours de quelques semaines la présidentielle. En général, il y a beaucoup d'abstention. Et donc, notamment de l'électorat populaire, de beaucoup de classes moyennes, ce qui en général défavorise plutôt les candidats de droite nationale et populiste. Bon. Donc, c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est vrai que c'est grâce aux voix acquises aux législatives que les différents partis politiques peuvent avoir un financement public pendant 5 ans. Bon. Alors, si les questions de présenter des candidats sous l'étiquette Jean-Marie Le Pen, puisque j'ai lu quelque part qu'il avait mis ce nom, ce patronyme, à l'Institut National de Propriété Industrielle, l'INPI. Voilà, l'INPI. Bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, c'est sa liberté. À partir du moment où il est exclu du mouvement qu'il a fondé et dirigé pendant 40 ans, qu'il se sent, qu'il a l'envie et la force de faire de la politique, de défendre des idées, de défendre ce qu'il croit juste, ce qu'il croit vrai, ce qu'il croit bien pour la France, et qu'il ne s'y reconnaît plus au Front National, qu'on ne lui en laisse plus la liberté dans ce mouvement, qui pourrait lui reprocher, je veux dire, de vouloir reprendre sa liberté. C'est son droit, voilà. C'est tout ce que je puis en dire. Je n'ai pas d'autres jugements à porter. Alors, j'allais vous terminer l'émission sur la présidentielle, parce que ça me semble quand même quelque chose d'important, mais vous me désespérez en me disant que les élections ne servent à rien. Si elles ne servent à rien, au moins peuvent-elles donner lieu à de nouvelles situations et peut-être mettre en liste de nouveaux visages. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la primaire à droite ? Bon, elle m'intéresse assez peu. Il y a, je crois, 13 candidats. 8 maintenant. Oui, il y en a qui sont désistés. Oui, moi, j'étais resté à 13. Et oui, parce qu'effectivement, il y en a qui ont pris le parrainage, c'est exact. Oui. Bon, eh bien, on verra bien. Mais bon, je dirais que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Et que probablement que le pire, c'est quand même Juppé, puisque c'est vraiment le candidat par excellence du système, l'homme des Américains, un repris de justice, qui plus est. Bon, qui a une détestation vraiment viscérale de tout ce qui est de droite. Et je pense que ce serait probablement le pire. Donc, moi, je ne suis pas, encore une fois, pour entrer dans le jeu électoral, mais à la limite, je pense que tout sauf Juppé, ce ne serait pas forcément un mauvais choix, parce qu'il est vraiment tout à fait détestable. Je pense qu'il serait pire que Hollande, encore Juppé, parce parce que Hollande a un bilan détestable, mais je ne crois pas que ce soit un type foncièrement haineux. Alors que Juppé porte sur lui cette haine, quoi, et notamment cette haine de la droite, de la vraie droite. Et je pense qu'il serait probablement plus dangereux pour nos mouvements, nos organisations, nos journaux, nos revues, nos publications, et même plus au-delà de nous. Je pense qu'il serait plus nocif pour la France, certainement, parce que je crois qu'il n'aura aucun scrupule à liquider tout ce qui reste encore d'indépendance française, si tant est qu'il en reste encore un peu. Le pire Juppé. Et alors à gauche, Macron, c'est un type sympathique ou pas? Ah bah moi je crois que c'est vraiment un personnage qui est porté par les médias. Et en fait, c'est un banquier à l'origine. Et je crois qu'il soit mis en avant, c'est très intéressant, parce que ça prouve que le système mondialiste n'a même plus tellement besoin de politiciens professionnels maintenant, et qu'avec cynisme, il met sur le devant de la scène carrément des banquiers, des financiers. Alors on l'avait vu en Italie avec Mario Monti, puisque Berlusconi, qui était alors Premier ministre, n'a pas été rejeté directement près des électeurs italiens. C'est par une forme de combinazione, finalement. Mais en réalité, Mario Monti, c'était vraiment l'homme des banques, l'homme de Bruxelles, qui était imposé aux Italiens et qui est devenu Premier ministre alors qu'il ne sortait de nulle part, j'entends, dans le cénacle politique italien. Hein. C'est véritablement l'homme des banques et l'homme de Bruxelles. Et je pense que s'agissant de Macron, hein, qui était l'homme de Rothschild, eh bien, on voit très bien que ce personnage qui, encore une fois, politiquement, ne sort de nulle part, je crois qu'il est mis en avant dans les médias, précisément parce que on sait qu'avec lui, eh bien, les intérêts des cénacles financiers, de la finance internationale, seraient parfaitement respectés. Et, oui. Voilà. Le signe d'une certaine indécence victorieuse. Oui, d'indécence victorieuse, oui. Je pense qu'on n'a plus besoin, comme de toute façon maintenant, qu'il soit dit de droite ou dit de gauche, de toute façon les hommes politiques font la même politique décidée par les cénacles mondialistes. De toute façon, on sait très bien que quel que soit le prochain président, il présidera le dîner du Grif, il rallumera la flamme de Yad Vashem, il continuera la politique d'immigration, il laissera le mariage homosexuel, il laissera la loi sur l'avortement, voilà. Et que par conséquent, tout pour l'essentiel continuera d'aller dans le même sens et même en pire. Eh bien, vous n'êtes pas gay, mais on va terminer cette émission extrêmement triste. Il faut garder l'espérance. Il faut garder l'espérance. Qui vise le ciel. Et voilà, exactement. Eh bien, vous écoutiez Radio Surcôte Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec ce soir mon invité Jérôme Bourbon. À tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission.